Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce mercredi 2 décembre. Les écrivains face à la nature, c'est notre série. Depuis lundi, notre tête chercheuse Elisabeth Combre, écrivain journaliste, nous parle de ces climats littéraires. Aujourd'hui, 3e épisode, quelques écrivains en quête d'une autre nature. On parlera de Lawrence, de Stevenson, de Melville. Et puis en deuxième partie, comme tous les mercredis, l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, je reçois Fabiani Deschamps à l'occasion de la sortie aujourd'hui même de son film New Territories. This bitter earth Well, what the fruit it bears And if my life is like the dust that hides the glow of a rose Climat littéraire en compagnie d'Elisabeth Combre, auteure de « Quand la nature inspire les écrivains ». Aujourd'hui, 3e épisode, en quête d'une autre nature. Et là, on va parler d'un monde industrialisé ou qui s'industrialise et de quelques écrivains qui vont aller chercher la nature ailleurs que dans leur pays. Oui, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, on a eu plusieurs écrivains comme ça qui sont partis, qui ont fui l'Europe qui s'industrialisait, crise, minière. Et un peu avant eux, il y avait quand même Herman Melville. Alors là, on est au milieu du 19e siècle, qui est parti 4 ans dans les mers du Sud. Il commence par découvrir la dure vie en mer, et puis dur au point qu'il finit par déserter. Il se retrouve sur une île des Marquises, Nuku'iwa, et avec un autre marin, et il est recueilli par une tribu qui s'avère être une tribu cannibale. Donc, et il racontera dans ses premiers récits, on connaît beaucoup évidemment Moby Dick de Melville, mais ses premiers livres parlaient de cette expérience chez les cannibales. Il décrit à la fois une nature édénique, luxuriante, magnifique, mais qui recèle des fleurs vénéneuses. Derrière, il y a la peur d'être mangé. Donc, il va raconter comme ça quelque chose où derrière la beauté de la nature, il y a quelque chose de. Il y a une angoisse profonde, qui était une angoisse personnelle de Melville. Il finit par quitter cette tribu qui s'appelle les Tahipis. Il rejoint Tahiti, il reprend la mer. il continuera à écrire sur la nature, mais cette idée de nature qui est à la fois grandiose, magnifique, mais terrible, va durer dans ses textes qui vont devenir de plus en plus symboliques. On n'est plus dans un récit d'aventure petit à petit, avec Mardi et puis Moby Dick, on est dans quelque chose qui devient symbolique. Le grand combat du capitaine Ahab contre la baleine blanche, qui est donc ce combat contre à la fois Dieu et son absence. Le capitaine Ahab cherche à comprendre, et cette baleine représente à la fois la nature et la condition humaine, et le mur contre lequel se cogne Melville, qui se pose des questions sur sa condition d'homme mortel. Des auteurs comme Stevenson, comme Lawrence, alors l'un à la fin du 19e siècle, l'autre au début du 20e, ils ont quelques points communs. Ils sont tous les deux malades des poumons, donc ils cherchent aussi un climat propice à leur fragilité. Stevenson a passé donc son enfance malade, emmenée au soleil, et donc ça lui est resté. Il a passé sa vie à courir, à marcher, d'abord marcher sur les routes pour se sentir vivant dans un corps malade. Et en 1879, il a 29 ans, il est malade, mais il embarque pour l'Amérique, avant de partir vers les Marquises et la Polynésie. Il fait un passage très très important pour son œuvre en Amérique, et où il découvre les grandes plaines. Il va rejoindre une femme qu'il aime, et il découvre les grandes plaines, les grands espaces américains, et il va s'installer dans une concession minière abandonnée à Silverado, où il surplombe la baie de San Francisco et rapportera de grands souvenirs de paysages qui vont être, c'est Michel Lebris qui l'explique très bien, qui vont inspirer les paysages de l'île au trésor. Il va continuer à tourner autour du monde, il finira sa vie aux Samoa, dans une nature luxuriante qui va le déborder. Là, il va s'y épuiser. Et en même temps, il va trouver non seulement un autre climat, mais une autre façon de vivre. Il est au milieu des Samoans, il s'occupe de politique, il défriche pour construire sa maison. Et il raconte dans ses récits cette nature à la fois luxuriante et étouffante. Le bois se referme, un rameau se repliant sur l'autre comme les doigts de la main. De quelque côté qu'on se retourne, tout l'endroit semble vivre et vous observer. Je suis persuadée qu'une superstition pousse dans un lieu déterminé comme les différentes espèces de plantes. Et tandis que je me tenais là, écoutant ce chant plaintif, je tremblais dans mes culottes. Stevenson reste un conteur, quelqu'un qui raconte des histoires, qui raconte du suspense. Il annonce un petit peu Joseph Conrad, qui racontera cette nature étouffante quelques temps après lui, quelques années plus tard. Et pour terminer, au début du XXe siècle, on a David Herbert Lawrence qui lui aussi est malade des poumons et qui fuit l'Angleterre. Lui, il a grandi dans l'Angleterre des mines et du charbon. Et il fuit cette Angleterre qui s'industrialise. En 1912, il part en Italie, puis à Ceylan, Australie. Et en 1922, il se retrouve sur le continent américain. Et ça va être une véritable révélation. Lui aussi part avec une femme qui a quitté mari et enfant pour lui. Et s'installe dans un pueblo Hopi, près de Santa Fe. Et découvre tout cette religion primitive en lien avec la nature. Et c'est ça qui va le marquer. Non seulement ces grands espaces de lumière, le désert, les montagnes qui se découpent, les reflets bleutés, et cette façon d'être des Indiens et leur il décrira d'une manière très précise toute leur danse et cette spontanéité qu'il a tellement cherchée en Angleterre et qu'il n'a jamais trouvée. Laurence a écrit parmi de ses plus belles pages sur le Mexique dans l'ouvrage qui s'appelle aujourd'hui Matinée mexicaine. Tout bouge, mieux vaut bouger aussi du lent mouvement tournant des éperviers. Tout semble lentement pivoter vers un point central, les nuages, les montagnes environnantes, la poussière soulevée, les grands beaux éperviers striés de blanc, gabilanes et jusqu'aux fleurs, flocons neigeux sur l'arbre blafard, le palo blanco. Même les cactus dressés en touffes raides semblent lentement pivoter vers un centre tout proche. Curieux que nous pensions par ligne droite alors qu'il n'y en a pas, et parlions de voie droite alors que toute voie, tôt ou tard, arrive à faire le tour et retombe au centre. L'espace est courbe, le cosmos est sphère dans d'autres sphères, et le chemin d'un point à un autre suit la courbe de l'inévitable qui tourne et monte comme le bout des ailes de l'épervier, appuyé sur l'air ainsi que l'invisible moitié de l'ellipse. Merci beaucoup Elisabeth Combre. Voilà commencé cette série lundi. Pour parler de la nature, une nature déchaînée, une nature enchaînée. La nature, c'était tout à la fois les dieux qu'on chérissait, les dieux qu'on craignait, les dieux qu'on maudissait. Le deuxième épisode hier, c'était sur la nostalgie de la nature, une fois que la cité s'est imposée aux écrivains. Aujourd'hui, on a parlé de cette quête d'une autre nature, quitte à quitter son pays, quitte à quitter son monde, son continent. À partir de demain, on parlera des écrivains qui vont être des militants pour une lutte écologique à travers l'écriture. À demain, Elisabeth Combre. À demain. Sitting on a hillside, watching all the people die. I'll feel much better on the other side of the moonlight. I believe in magic. Why? Because it is so quick. I don't need power when I'm hypnotized. Look in my eyes. What are you seeing? I see. How do you feel? I feel real phony when my name. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Bonjour Fabiani Deschamps. Bonjour. Votre film New Territories sort aujourd'hui au cinéma, on va en parler dans un instant. Là, 虽然他没有蓝色眼睛，让我挺失望的。 Un film documentaire, en tout cas documenté sur un sujet tabou. Comment les Chinois détournent l'interdiction des rites funéraires imposés par le régime communiste de Pékin. Effectivement, depuis la révolution culturelle, l'incinération est devenue obligatoire. Mais les Chinois, qui veulent enterrer leurs morts selon les traditions ancestrales, sont obligés d'acheter des corps de morts pour servir de cadavres de substitution. Et donc, il y a un trafic de morts, de cadavres, tenus par des bandes mafieuses chinoises, en Chine, chinoises donc. Bonjour Fabienne Deschamps. Bonjour. C'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable et c'est quelque chose qui advient très fréquemment en Chine sous différentes formes et depuis très longtemps et qui est ancré en fait, qui remonte à très loin culturellement par rapport au culte des morts et parce que la manière d'être vivant est complètement conditionnée par le culte qu'on va rendre à nos ancêtres en fait. Et donc depuis les premiers empereurs de Chine dont on sacrifiait femmes, enfants, serviteurs au moment de les mettre au tombeau. Il y a encore cette forme de détournement en fait de corps pour accompagner les morts dans une situation où depuis la révolution culturelle, effectivement, un des grands travaux d'abrogation des rites religieux est passé par l'interdiction des enterrements traditionnels qui occupaient une place dans la vie sociale très très importante. Évidemment, il y a une rétention d'informations énorme parce que pour le gouvernement c'est un énorme problème sociétal qui est beaucoup plus problématique que la question de l'enfant unique qui d'ailleurs a été réglée il y a peu de temps. Et effectivement, je crois également que l'entrée de la Chine, comme ça, brutalement dans l'économie de marché, etc., cette histoire de marchandiser le corps des défunts est une espèce aussi de symptôme de dysfonctionnement sociétal très très profond où la culture traditionnelle rentre brutalement en collision avec l'économie de marché. Et finalement, dans l'économie de marché, on trouve toujours moyen de... de marchandiser ce qui nous semble pas marchandisable, en l'occurrence des vies humaines. Alors, comment êtes-vous arrivé à ce sujet, à cette histoire? Comment vous avez découvert ce trafic, Fabienne Deschamps? Alors, j'ai passé beaucoup de temps à Hong Kong. Et à Hong Kong, il reste à peu près un organe de presse qui est pas totalement censuré par Pékin, qui est le South China Morning Post, qui est un journal anglophone. Et je découvre un entrefilé, un encadré, qui raconte que effectivement à 300 km de Hong Kong depuis 2-3 ans des centaines de personnes étaient portées disparues, plutôt des femmes, des vieux et des handicapés, donc des gens qui sont considérés un peu secondaires dans la hiérarchie sociale chinoise et qu'il s'était avéré que ces gens étaient kidnappés et assassinés afin que leur corps soit vendu comme corps de substitution à l'incinération obligatoire. Et impossible de trouver d'autres informations. Je fais des recherches, je ne parle pas chinois, je vois que je me confronte vraiment à un véritable tabou, mais du coup en me documentant pour essayer de comprendre comment le salut d'un mort a plus d'importance qu'une vie humaine. Et cette culture est généralisée, parce qu'on ne devine pas l'échelle, l'ampleur de ce phénomène dans la Chine d'aujourd'hui. C'est très difficile. Moi-même, alors que je m'intéresse beaucoup au sujet, j'ai beaucoup de mal à avoir des informations. Je sais que depuis bien avant la révolution culturelle, il y a une culture de ça. Il y a des castes du nord de la Chine où on organise des mariages post-mortem pour que les hommes célibataires morts accidentellement avant leur mariage puissent accéder à l'autre monde en le mariant à des femmes après leur mort. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancien. Je lisais encore la semaine dernière dans le Figaro qu'il y a un village entier de personnes très âgées qui se sont massivement suicidées en refus. Pour refuser l'incinération, ils ont préféré se suicider que d'être incinérés. Donc c'est quelque chose qui est très prégnant et qui touche vraiment aux fondamentaux de cette culture. Et donc l'impossibilité de trouver des informations. Je suis réalisatrice de fiction. J'ai enquêté, mais sans avoir, cette connaissance de l'investigation. Je me suis documentée à distance et en distance. Et finalement, c'est la fiction et le travail de l'imaginaire qui a reconstruit en fait ce fait divers afin de compenser ce qui ne pouvait pas être montré. Mais au-delà du fait divers, c'est un fait de société. Oui, c'est un fait de société. C'est un fait de société qui est d'autant plus prégnant qu'il raconte effectivement des symptômes de dysfonctionnement du rapport aussi à l'économie, à la marchandise, comme je vous disais. Et donc, on va dire, parce qu'on rappelle cette histoire incroyable que vous racontez dans New Territories, donc des Chinois, quand ils perdent quelqu'un de très proche, plutôt que de l'incinérer, ils préfèrent acheter un corps chez des mafias, lesquelles mafias sont obligées d'assassiner des êtres précaires. Exactement. Et je sais que avant que naisse ce commerce mortifère, on avait coutume, par exemple, d'aller déterrer des morts à l'époque où il y avait encore des cimetières, traditionnels, etc., pour faire ce petit tour de passe-passe dans les funérariums. Mais évidemment, c'est devenu un commerce florissant. Il faut savoir effectivement que je pense qu'il y a une différence de la tradition est plus ou moins forte selon qu'on habite une grande métropole chinoise mais dans les zones rurales, les corps étaient vendus 10 000 RMB, ce qui correspond à peu près, je crois, à presque 1 000 euros, ce qui est une fortune pour un paysan chinois. Et des familles entières se sont sacrifiées tout en fermant les yeux, parce que tout le monde se doutait que ces corps n'arrivaient pas de nulle part, et il y a des zones entières. Moi, donc, quand j'ai décidé de commencer à travailler sur ce sujet, j'ai passé la frontière, je suis rentrée en Chine continentale, je suis allée dans cette zone où tous ces gens disparaissaient. Il y avait encore des avis de disparition dans les rues, partout. Personne ne pouvait ignorer que... Même le régime? Même pas le régime? Oh, je pense que les fonctionnaires locaux étaient largement arrosés. Enfin, je pense qu'il y a énormément de corruption. Ben oui, c'est ça qui est très inquiétant dans votre film, Fabiani Deschamps, parce qu'on se dit que pour peu que les autorités reculent, comme pour l'enfant unique, peut-être que ce problème aura sa solution, c'est-à-dire que les Chinois puissent enterrer leur mort en respectant leur tradition, ou du moins d'avoir le choix entre l'incinération et l'enterrement, mais on se rend bien compte qu'il y a des intérêts économiques maintenant. Il y a des mafias qui se sont spécialisées dans ce trafic de corps, de cadavres. Oui, exactement, et elles viennent de Hong Kong. Alors qu'à Hong Kong, l'incinération est installée depuis très longtemps, mais culturellement, Hong Kong est très différent de la Chine continentale du fait de l'occupation britannique pendant 200 ans. Donc le rapport à l'incinération, le rapport à la pratique religieuse est très très différent qu'en Chine continentale. Mais en revanche, les triades hongkongaises passent et organisent ce trafic. Et peut-être il existe toujours sous d'autres formes, dans d'autres régions. La Chine, c'est un continent, c'est un pays continent, donc ça existe toujours. Mais après, l'idée pour moi était vraiment de non pas de faire un documentaire, parce que c'est pas mon langage en tant que réalisatrice, c'était de partir d'images documentaires, de faire un voyage, mais qui est de l'ordre d'un voyage mental, où on reconstruit ce qui ne peut pas être donné à voir. Et que la question d'être porté disparu, la nature tant spécifique du deuil à accomplir pour quelqu'un qui est porté disparu, dont on ne retrouve jamais le corps, c'est cette absence. Effectivement, il y a une absence de traces, il y a une absence de corps. Et comment vivre avec cette absence? Alors, pour ce sujet tabou, est-ce que vous avez été obligé, Fabiani Deschamps, de tourner clandestinement? Tout à fait. Les autorisations de tournage ne sont pas tant compliquées que ça à acquérir en Chine, mais il y a une particularité qui est relativement unique, c'est que tout scénario qui est validé donc par les commissions culturelles de censure, Ensuite, un fonctionnaire de police nous accompagne toute la journée sur le tournage pour vérifier que ce qui est écrit est bien tourné. Donc pour moi, je n'avais absolument aucun intérêt à communiquer sur ce tournage, d'une part. Et aussi, comme le film raconte le parcours d'une ouvrière chinoise qui va essayer de rentrer, de passer clandestinement à Hong Kong, il y avait quelque chose de l'ordre de la clandestinité qui devait aussi se trouver dans la manière de faire le film. Donc effectivement, on est parti en équipe réduite, on est rentré en Chine continentale avec de simples visas de tourisme. Voilà, les acteurs étaient équipés avec des micros HF. On a tourné le film avec un appareil photo qui est à la fois très sophistiqué pour permettre que le film accède au cinéma, mais qui est extrêmement discret. Et nous avons tourné le film en mêlant les acteurs avec des interactions du réel. Et on a trouvé à la fois un langage et aussi une force dans cette illégitimité. Il y avait quelque chose qui pour moi, me semblait absolument cohérent dans la construction du film, plutôt qu'asseoir un dispositif de tournage classique et que quelque chose se devait d'être volé, au même titre que les images documentaires sont détournées pour amener de la fiction, construire quelque chose qui se veut un peu de l'ordre d'un thriller mental, voilà, avec les outils du cinéma de fiction, mais à partir d'images du réel détournées. Territories sort donc, votre film, Fabiani Deschamps, sort donc aujourd'hui au cinéma. On termine par donner une explication du titre de votre film. C'est quoi ces nouveaux territoires? Alors, les nouveaux territoires, c'est le nom qu'ont donné les anciens colons britanniques à la zone frontalière qui sépare Hong Kong de la Chine continentale. Et les Chinois l'appellent Xintie, qui est un peu plus poétique, qui signifie entre deux mondes. Et c'est le moment du questionnaire d'un autre jour avec Fabiani Deschamps, réalisatrice. Trois questions à choisir au hasard. Allez, première question. Quel événement récent a bousculé une ou plusieurs de vos certitudes ? Bon, de manière évidente, voilà, à quelques jours des attentats qui ont secoué Paris, voilà, une certitude continue d'être bousculée, voilà, qui est celle du vivre ensemble et qui est une question majeure, voilà, et qui me secoue beaucoup parce que je veux absolument y croire. Deuxième question. Dans quel tableau célèbre aimeriez-vous vous projeter ? Dans l'origine du monde. Et pourquoi ? Et comment ? Bah, le mystère féminin et puis la frontalité de l'œuvre et en même temps son extrême simplicité, l'abandon de cette femme, voilà, offerte au regard d'un peintre. Enfin, troisième question. Quel temps fait-il dans votre tête ? Bon, ce mercredi 2 décembre. C'est une journée particulièrement, partiellement couverte, mais quelques éclaircies vont advenir en fin de journée. Générique de fin, par vous-même d'ailleurs. Alors c'était Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, tous les matins à 6h, et quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou le podcast, disponible sur France Culture. Un autre jour est possible a été préparé par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet et réalisé par Thomas Duterre avec à la technique ce matin Bernard Laniel. Merci beaucoup Fabiani Deschamps. Demain, suite de notre série Quand la nature inspire les écrivains, climat littéraire, en compagnie d'Elisabeth Combre. En deuxième partie, je serai avec Irina Brooks. Bonne matinée sur France Culture, à demain.